tandis que duraient ces petites ergoteries, et que les jours se passaient à disputer, à marmotter des prières et à faire le vaurien, il m'arriva une petite vilaine aventure assez dégoûtante et qui faillit même à finir fort mal pour moi. Il n'y a point d'âme si vile et de cœur si barbare qui ne soit susceptible de quelque sorte d'attachement. L'un de ces deux bandits, qui se disait mort, me prit en affection. Il m'accostait volontiers, causait avec moi dans son bar à goin franc, me rendait de petits services, me faisait part quelquefois de sa portion à table, et me donnait surtout de fréquents baisers avec une ardeur qui m'était fort incommode. Quelquefois que j'eusse naturellement de ce visage de pain d'épices, orné d'une longue balafre, et de ce regard allumé qui semblait plutôt furieux que tendre, j'endurais ses baisers en me disant en moi-même: le pauvre homme a conçu pour moi une amitié bien vive, j'aurais tort de le rebuter. Il passait par degrés à des manières plus libres, et tenait de si singuliers propos que je croyais quelquefois que la tête lui avait tourné. Un soir, il voulut coucher avec moi. Je m'y opposai, disant que mon lit était trop petit. Il me pressa d'aller dans le sien. Je le refusai encore, car ce misérable était si malpropre et fumait si fort le tabac mâché qu'il me faisait mal au cœur. Le lendemain, d'assez bon matin, nous étions tous deux seuls dans la salle d'assemblée. Il recommença ses caresses, mais avec des mouvements si violents qu'il en était effrayant. Enfin, il voulut passer par degrés aux privautés les plus malpropres et me forcer, en disposant de ma main, d'en faire autant. Je me dégageai impétueusement en poussant un cri et faisant un saut en arrière et, sans marquer ni indignation ni colère, car je n'avais pas la moindre idée de ce dont il s'agissait, j'exprimai ma surprise et mon dégoût avec tant d'énergie qu'il me laissa là. Mais, tandis qu'il achevait de se démener, je vis partir vers la cheminée et tomber à terre je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit soulever le cœur. Je m'élançai sur le balcon, plus ému, plus troublé, plus effrayé même que je ne l'avais été de ma vie, et prêt à me trouver mal. Je ne pouvais comprendre ce qu'avait ce malheureux. Je le crus saisi du haut mal ou de quelque frénésie encore plus terrible. Et véritablement, je ne sache rien de plus hideux à voir pour quelqu'un de sang-froid que cet obscène et sale mendiant et ce visage affreux enflammé de la plus brutale concupiscence. Je n'ai jamais vu d'autre homme en pareil état. Mais si nous sommes ainsi dans nos transports près des femmes, il faut qu'elles aient les yeux bien fascinés pour ne pas nous prendre en horreur.